Deuxième rencontre nationale, énergie et territoires ruraux en Biovallée. La mobilité en milieu rural. Antoine Duclou en charge du projet VAP, voiture à plusieurs pour le pays de Romans. On n'en est pas encore à la phase opérationnelle puisque c'est le 15 octobre où le système va être mis en place, enfin lancé. Donc le pays de Romans, donc nous, c'est un territoire, une communauté d'agglomération de 21 communes. La commune centre, c'est Romans, 33 000 habitants. Et le territoire fait 50 000 habitants. Donc le reste, c'est effectivement un territoire très rural, avec un système d'axes qui suivent les vallées et qui rejoignent, qui convergent Romans, donc qui se prête bien à la mise en place de systèmes de covoiturage spontané. Donc on est effectivement, nous, dans cette logique-là. Nous, on est en complément des autres modes de covoiturage, c'est-à-dire les modes de longue distance ou tout ce qui concerne le régulier domicile-travail lorsqu'il est organisé, anticipé, notamment à travers les sites internet qui y sont dédiés. Donc nous, on est sur quelque chose de spontané, donc ce qu'on appelle de l'autostop sécurisé. Donc je vais vous détailler un petit peu le fonctionnement du dispositif. Donc à l'origine, c'est un concept VAP qui a été développé en Belgique il y a 4 ans. Donc on n'est pas parti de rien, justement. Le but du jeu, c'était de partir d'expériences qui ont fonctionné, qui sont déjà en cours. Il y en a d'autres en France. Il y a Réseau Pousse à Moissac. Dans le secteur de plus proche en Rhône-Alpes, il y a plusieurs démarches qui s'apparentent de près ou de loin à ce dispositif. Donc je pense au Royan pour la Drôme, mais il y a aussi en Rhône-Alpes, du côté de Grenoble, des dispositifs qui sont en réflexion. Bah, dans le PILA, donc Rachel en parlera. Donc voilà, il y a un certain nombre de dispositifs donc, qui vont permettre de compléter, nous, ce qu'on a localement à notre disposition pour avancer de façon alternative à la voiture solo. Donc nous, on a le bus, le TAD, le train, le vélo, le covoiturage conventionnel et la marche à pied. Donc l'idée, c'est que les VAP viennent compléter toute cette panel d'outils à notre disposition pour la mobilité. Donc on va avoir donc un système en réseau, des points qui sont identifiés sur le territoire. Donc, alors quand je dis territoire, la démarche VAP a été développée et portée, animée par le pays de Romans, la communauté d'agglomération, mais en partenariat avec une autre communauté de communes qui est l'Herbasse, juste au-dessus, puisqu'il y avait une logique de bassin d'emploi, enfin de bassin de vie et de d'axes de circulation. Donc c'est le réseau, je précise, est développé sur ces deux communautés. Donc on a 65 arrêts qui sont identifiés, matérialisés. Là on voit sur la photo, donc sur ce secteur-là, c'est un arrêt du Conseil Général qui est repris dans le réseau VAP. Donc il est organisé selon des axes de circulation, des vallées. Donc dans le dispositif, il n'y a pas d'arrangement préalable, c'est-à-dire que les vapeurs, les adhérents au système VAP ne se contactent pas au préalable pour se donner rendez-vous. Ils se présentent de façon spontanée aux arrêts en précisant donc sur une petite ardoise, là, un petit panneau, la destination sur laquelle ils souhaitent se rendre. Donc je détaillerai après un peu plus. Donc ce qu'on a aussi dans le dispositif, c'est que chaque commune est un relais. C'est-à-dire le but du jeu, c'est que l'identification des points, les relais avec les associations, avec les usagers, etc., se fasse au plus près, avec le maximum de proximité. Donc c'est pour ça qu'on a un référent par commune. J'y reviendrai. Un réseau dense des membres, oui, donc ça c'est effectivement quelque chose d'indispensable pour la réussite des rencontres sur la route, c'est qu'il faut effectivement que pour que le système fonctionne, on ait suffisamment d'adhérents pour que ça fiabilise le système. Donc c'est, et pour finir, donc c'est un projet citoyen puisqu'il va fonctionner avec le bouche à oreille, en utilisant les réseaux sociaux et en assurant le maximum d'animation. Les points d'arrêt sont situés sur des lignes, ce qu'on appelle nous nos lignes de covoiturage. Donc les points VAP, donc là c'est une carte dynamique qui est accessible sur le site vap-drome.fr. En fait, quand on zoome sur les arrêts, on a le visuel de l'arrêt. Donc ça permet de bien le situer. Et aussi, on a des informations pour savoir s'il y a des places de parking, s'il y a de l'éclairage sur ce secteur-là. Enfin, un certain nombre d'informations pratiques. En fait. Donc, ensuite, de façon plus pratique, les inscriptions, donc, puisqu'il faut s'inscrire pour rentrer dans ce réseau d'utilisateurs, donc elles se font soit sur le site internet dédié, donc vap-drome.fr, je le disais, ou par téléphone. Donc on peut les inscrire, nous, directement à la communauté. Une fois que les gens sont inscrits, ils vont recevoir donc un kit de covoiturage, donc, dans lequel on va retrouver... Donc, ils auront une carte de membre, bien sûr une plaquette, la charte des vapeurs, donc dans laquelle il y a en fait le code de bonne conduite à respecter, que ce soit pour le passager ou le conducteur. On a également donc un petit brassard, une étiquette VAP repositionnable que le conducteur met sur le pare-brise. Et également donc une petite fiche cartonnée qui va permettre d'indiquer la destination pour le passager, le piéton, ce qu'on appelle le piéton. Donc cette fiche cartonnée peut être changée sur le site internet. On a déjà la maquette, qui est préparé. En fait, il n'a plus qu'à rentrer sa destination. S'il veut avoir plusieurs destinations ou qu'il veut changer, ça se fait directement sur le site internet. Donc ce kit est envoyé gratuitement. Il y a également un brassard fluorescent. Et donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour pour le kit. Donc, il est envoyé au domicile du vapeur ou de la vapeuse directement, gratuitement. Donc, ensuite, le piéton, une fois qu'il a reçu ce kit, bien sûr, aura repéré l'arrêt qui le concerne. Et ensuite, il n'a plus qu'à se rendre à l'arrêt pour indiquer sa destination et se faire prendre par un automobiliste du réseau VAP. On a un système de recommandation pour la participation aux frais qui est forfaitaire en fonction de tranches de kilométriques, c'est-à-dire entre 0 et 10 km, c'est 50 centimes, entre 10 et 20, 1 euro, et entre 20 et 50, 2 euros. Intramuros à Romans, c'est la gratuité qui est recommandée. Après, les vapeurs, dans la charte, c'est bien précisé, ont la possibilité de s'arranger, c'est-à-dire de dire je prends mon véhicule demain, on alterne, ou d'autres modalités. C'est encore là, une fois de plus, c'est une recommandation, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Pour l'instant, le dispositif est ouvert uniquement aux adultes, enfin aux personnes majeures. Les Belges, eux, ont fait un VAP ado qu'ils ont développé une fois que le système était bien en place. Mais pour l'instant, donc, les gens agissent sur leurs responsabilités et reconnaissent être majeurs. Alors, le rôle des communes, oui. On a un référent par commune. On a des comités d'animation qui se réunissent régulièrement pour définir justement de la démarche, de faire les choix et éventuellement ajuster en fonction d'un certain nombre de remarques. Inscriptions donc peuvent se faire également en mairie. On a donc les référents qui sont des vrais relais. Donc ça c'est très important parce que on voit bien que ce dispositif il marche que s'il y a de l'animation et c'est pas une seule personne qui va pouvoir animer sur tout le territoire. C'est il faut effectivement que tous les référents, tous les relais locaux puissent être utilisés. Et puis ils permettent d'assurer ce que je disais tout à l'heure, un suivi au plus près dans les petites communes rurales. Finalement tout le monde se connaît et le référent permet d'assurer du lien. Donc nous, voilà, les outils et le plan de communication qu'on utilise pour développer les VAP, c'est d'abord les bulletins municipaux. Donc chaque commune fait part du dispositif dans ses bulletins. Les journaux des communautés, donc Pays de Romans et l'Herbasse. Le blog du plan climat, puisque c'est une action qui s'inscrit dans le cadre d'un programme d'action énergie-climat du territoire de Romans. Les associations, donc, elles ont à leur disposition les associations, un kit de communication. Donc, c'est en fait des grandes affiches qui expliquent le dispositif, la carte avec tous les points d'arrêt, et puis, en gros, une autre affiche également qui présente les grands avantages du dispositif, ainsi que t-shirts, casquettes, etc., pour pouvoir être bien visible sur les stands, lorsqu'il y a, par exemple, des forums, des associations, des choses comme ça. Donc, on tient à disposition ce kit-là, qui sera, dans les prochaines semaines, qui sera opérationnel. Donc, la presse locale, bien sûr, les conférences de presse, bon, tous les outils classiques, brochures, etc. On a fait aussi des tractages, donc le matin et le soir au rond-point, lorsqu'il y a beaucoup d'encombrement sur la périphérie de Romans. Donc on a distribué des flyers sur le dispositif, donc ça a bien marché. Les sites internet, enfin voilà, on utilise tous les outils possibles pour assurer et diffuser au maximum l'information sur le dispositif, sur le projet. Donc ça, c'est la plaquette, j'en mettrai quelques-unes à disposition. Et le site internet qui est dédié. Alors, sachant que sur ce site, donc il y a effectivement toutes les informations, on s'inscrit sur, on devient membre sur le site. Et aussi, il y a possibilité pour d'autres territoires de venir se rajouter. C'est-à-dire que ce n'est pas un vap-roman.fr, c'est-à-dire il y a possibilité, c'est un peu le système des Belges, de venir rajouter des blocs par territoire. Donc voilà, pour parvenir donc aux objectifs de mobilité, de réduction du budget transport et de création de liens sociaux, nous, d'abord, il nous semble très important de continuer à recruter les conducteurs, parce que c'est eux qui vont créer l'offre. Donc c'est très important de continuer à travailler là-dessus. Démontrer par l'exemple que le système peut fonctionner, donc ça va être à partir du 15 octobre, de prouver que sur certaines lignes, le système peut apporter un vrai complément à ce qui existe. Fiabiliser le dispositif par une assurance au retour les premiers mois, on y travaille avec les AOT en ce moment. L'idée c'est que au début, lâcher sa voiture, se présenter sur l'arrêt, pour se retrouver à son travail, ok, pourquoi pas, mais le soir, comment je fais pour rentrer? Donc là, il nous semble que ça peut être intéressant de proposer une assurance au retour. Toutes les collectivités ne l'ont pas proposé, mais voilà, on va essayer au moins les premiers mois d'avancer là-dessus. Ensuite, donc, bien sûr, d'assurer une animation locale, hein, ça a été déjà dit, parce que sans animation auprès des entreprises, auprès de l'ensemble des usagers, le système pourra pas fonctionner. Et puis de continuer à travailler en réseau avec les autres collectivités engagées, parce que là aussi c'est intéressant, comme aujourd'hui, de pouvoir échanger des bonnes pratiques et des idées. Juste une petite précision, donc nous, sur les arrêts proprement dit, la signalétique sur les arrêts, donc on va retrouver sur chaque point d'arrêt un petit mode d'emploi qui explique ce qu'est les VAP, parce qu'on ne voulait pas laisser uniquement un panneau VAP. Il y a comment on s'inscrit, le mode d'emploi, les questions de sécurité, parce que le vapeur peut aussi a la possibilité d'envoyer un SMS lorsqu'il monte dans le véhicule. Ça permet d'assurer aussi, en précisant soit le numéro de la plaque d'immatriculation ou le numéro de membre du vapeur qui est inscrit sur l'étiquette repositionnable. Bon, un certain nombre d'informations pratiques sur le dispositif qui seront sur chaque point d'arrêt. Après, donc, on a le panneau qui précise le nom de l'arrêt. Donc ça, c'est des panneaux qui vont être mis sur les panneaux du Conseil Général, en accord avec eux, parce qu'on a des points communs avec des points du réseau départemental de transport ou de notre réseau local VRD de transport. Et puis, on a des points propres, en fait, au VAP, des endroits où le réseau de transport ne permettait pas, ne suffisait pas. Il fallait créer des points d'arrêt VAP, où là, on a des panneaux de ce format-là. Sur les 60, on a à peu près une vingtaine de points comme ça. Mais c'est quelque chose de très, très sommaire, finalement, et qui ne demande pas un gros investissement, puisque c'est du contreplaqué avec juste des autocollants. et puis des poteaux qui ont été fixés. Enfin voilà, on voit que notre système, ce système VAP ne demande pas un gros investissement au départ, il demande simplement des moyens d'animation. Antoine Duclou en charge du projet VAP, voiture à plusieurs pour le pays de Romans. Deuxième rencontre nationale, énergie et territoires ruraux en Biovallée. La mobilité en milieu rural.